D'accord. Alors, ce soir, le cours se déroule en deux sections, en fait, qui concernent des thématiques différentes. J'interviens dans la première partie du cours pour vous parler de conseils en ce qui concerne la rédaction scientifique. Donc, des petits trucs et des petits conseils qui peuvent vous aider dans la rédaction de votre mémoire à plus long terme et qui sont des pistes un peu des petits pièges à éviter qui peuvent vous donner des bonus aussi appréciés de la part de vos lecteurs et promoteurs. Et dans une deuxième partie, Marc viendra vous présenter les principes de l'intégration des résultats et de la communication scientifique. Donc de comment on diffuse sa recherche, quelles sont les sortes de réflexes à adopter aussi pour promouvoir le travail de recherche que vous allez mener au niveau du mémoire. Alors, la première section, donc comme je vous le disais, elle concerne la rédaction, ce qu'on appelle la rédaction scientifique. Et en fait, il y a des normes scientifiques, des normes de rédaction qui sont spécifiques et que vous allez devoir adopter au fil de la rédaction de votre mémoire. Alors, la première norme, et sur laquelle certains d'entre vous ont déjà posé quelques questions par mail, c'est l'utilisation du mou dans vos textes. Alors, ce pronom mou, c'est vraiment typique de la rédaction savante, de la rédaction scientifique. Donc, les conseils que je vous donne là, ils valent pour le mémoire. Sur le plan du TPM, pénalisant en fait que vous ne les ayez pas déjà suivis, mais en ce qui concerne votre mémoire, ce sont des éléments que l'on s'attend en fait à trouver, que l'on s'attend que vous ayez assimilés. Donc, l'utilisation du nous universitaire, c'est une forme en fait du pronom qui est vraiment spécifique, comme je le disais, de la rédaction savante et de la rédaction donc des travaux scientifiques en général. Les articles scientifiques que vous allez trouver en français ou les ouvrages scientifiques également vont généralement utiliser ce nous. Donc, c'est une règle qu'on applique aussi dans les travaux de recherche universitaire, notamment dans le cadre du mémoire ou de la thèse de doctorat. En fait, ce « nous », c'est un usage, une norme de rédaction qui, au départ, est utilisée pour donner une forme de neutralité, c'est-à-dire où on se met à distance, où l'auteur se met un peu à distance du texte. Et c'est aussi un « nous » qu'on appelle un « nous » de modestie, au sens où l'auteur se met un petit peu en retrait, au lieu d'affirmer un « je », et donc de se placer sous l'angle de l'ego. Donc c'est une tradition en fait qui a été adoptée au fil du développement des publications scientifiques et qui prévoit encore aujourd'hui, qui fait en sorte que lorsqu'on tombe sur un texte rédigé au nous, on sait qu'on est dans le contexte d'un travail universitaire ou scientifique réalisé dans un objectif savant. Lorsque vous utilisez le nous dans ce cadre, c'est un nous qui vous représente, donc qui représente l'auteur du mémoire. Donc, si vous êtes un étudiant, c'est un nous qui s'accorde au masculin singulier. Si vous êtes une étudiante, c'est un nous qui s'accorde au féminin singulier. Donc, comme dans l'exemple où je l'ai mis, donc malgré le fait qu'on est habitué à utiliser ce nous-là avec une signification plurielle, dans le cas d'un travail universitaire, il représente vraiment l'auteur. Donc, à moins que vous écriviez en tant qu'équipe de recherche avec des collègues, sinon, c'est vraiment à accorder en genre et en nombre avec vous. Donc ça, c'est le premier réflexe à prendre, qui au départ semble artificiel, mais qui veut dire que même dans des sections plus personnelles, vous allez parler par exemple des motivations que vous avez eues à vous intéresser à un sujet, ou du fait que votre intérêt pour un sujet vient d'une expérience que vous avez vécue, etc., on s'attend à trouver ce « nous » également pour parler de choses personnelles. L'un des deuxièmes principes à respecter lorsque vous écrivez votre mémoire et lorsque vous commencez en fait à envisager la rédaction, c'est que vous devez guider le lecteur. Donc le lecteur, généralement, ça va être votre promoteur qui vous suit au fur et à mesure, donc il se familiarise avec des petits bouts de votre réflexion, mais qui, à un moment donné, va avoir sous les yeux l'ensemble de votre texte. Et le deuxième lecteur, c'est justement le lecteur qui vous a été attribué, qui participe aussi à l'évaluation de votre travail. Or, généralement, cette personne-là, elle n'est pas du tout nécessairement au courant des étapes de votre recherche, et c'est donc votre texte de mémoire qui représente son accès à votre réflexion, à votre travail. Il est donc important de guider le lecteur pour lui faire comprendre en fait les étapes par lesquelles vous êtes passé et pour l'aider à dégager les points forts de votre réflexion. C'est-à-dire qu'un petit peu comme dans un plan de cours ou dans une présentation que vous devriez faire, vous avez tout intérêt à montrer la structure de votre réflexion. Donc à faire des à être bien identifié avec des types de parties, de sous-parties, des sous-sections, les éléments importants de votre réflexion. Quand vous changez d'idée dans un chapitre, par exemple. Parce que ça fait en sorte que le lecteur voit tout de suite les points forts de votre travail. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment, dans votre plan, dans la structure de votre texte, à faire des sous-découpages. Ce n'est pas parce que vous faites une sous-partie, 1.1.1 par exemple, dans la partie 1.1 du chapitre 1, que cette sous-partie-là doit faire 3 pages. Elle peut faire 2-3 paragraphes, mais ça indique au lecteur qu'à cet endroit-là de votre texte, vous avez mis des détails sur une thématique particulière. Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire des tonnes sur un sujet, mais par contre, spécifier au lecteur qu'à cet endroit-là, vous parlez de ça, puis vous passez à un autre sujet, ça aide la lecture, et ça montre aussi que vous avez fait un effort de vulgarisation scientifique. Parce qu'en rédaction scientifique, on va justement chercher à expliciter ce que l'on fait, mais aussi à donner des pistes, des mots-clés, pour permettre au lecteur de bien comprendre ce qui est important. Donc pensez à montrer la structure de votre pensée. Et comme je vous le disais, en fait, c'est aussi un réflexe qui fait partie de, quelque part, l'argumentaire ou la façon dont vous montrez la progression de vos idées. Et tout ce qui va être de l'ordre de l'argumentaire, de montrer le cheminement de la réflexion, etc., c'est aussi quelque chose, une compétence qui est évaluée dans les mémoires. Ça veut donc dire qu'en termes d'évaluation de votre performance, en termes quantitatifs, ça peut vous valoir un petit bonus, ou en tout cas ça ne peut qu'aider dans votre évaluation que d'avoir fait ce travail-là. Autre conseil dans le sens de guider les lecteurs, c'est d'aller voir des exemples de mémoires. Donc des mémoires déjà existants. Et j'ai mis « des » au pluriel, parce que vous pouvez par exemple avoir trouvé un mémoire qui existe sur votre thématique de recherche, qui a été fait il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment en lien avec votre sujet. Il vous semble très intéressant, etc. Sauf que ce mémoire-là, ben, peut-être qu'il avait certaines lacunes, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas si parfaites que ça. Donc, c'est aussi intéressant d'aller voir d'autres mémoires, même plus éloignées de votre sujet, et pour en voir la structure, pour voir en fait comment les auteurs ont essayé et cherché à mettre en valeur leur sujet. Donc, par exemple, à faire des sous-parties sur l'historique du phénomène qu'ils étudiaient, sur une entreprise qu'ils avaient étudiée, avec certains personnages clés de leur réflexion, et également de mettre en valeur leurs idées. Par exemple, dans le cas théorique, comment ils ont mis à l'intérieur des réflexions sur les concepts différentes sous-parties, pour voir, donc, en fait, pour vous donner des exemples, une sorte de modèle de ce que vous pouvez faire. Une précision par rapport à la structure que je mentionne ici en exemple. Donc, généralement, on travaille à partir donc, d'abord du titre de chapitre, puis on met un premier sous-niveau, en fait, qui va être une partie donc 1.1. Puis on descend, on spécifie encore un sous-niveau de plus et ça va être au 1.1.1. On descend généralement jusqu'au 1.1.1.1, donc à 4 chiffres, mais généralement pas plus. Lorsque on met une sous-partie, partie 1.1 ou partie 1.1.1, si vous commencez à rentrer là-dedans, il vous faut forcément une partie 1.2. On ne trouve jamais une sous-partie toute seule. Donc, ça veut dire que, et généralement, en fait, de faire aussi cet exercice-là, c'est pas pour rien, c'est pas juste un impératif, en fait, ou une règle arbitraire, c'est qu'aussi, ça va vous aider à mettre en avant les différentes idées ou les différentes nuances que vous avez dans les idées. Donc, c'est une question d'équilibre de forme, mais c'est aussi, dans le fond, une façon de parfois réfléchir à « Ah, mais dans cette partie, en fait, les deux idées, la deuxième idée, elle est un peu cachée où j'en parle à travers les branches, mais finalement, elle gagnerait à être dégagée et rassemblée, même si elle est plus courte, c'est pas grave, mais au moins, on la voit bien. » Il y a question. Oui. Dans des mémoires et des thèses, j'ai pu voir partie 1, cadre théorique, et en dessous, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et entre les chapitres, c'était des titres, donc 1.1, etc. C'est plus ou moins comme ça ? La structure, elle est acceptable ? Oui, en fait, ce qui compte, c'est qu'il y ait une uniformité, donc que ce soit logique en termes d'équilibre ou d'organisation logique. Si vous avez choisi de faire, mais généralement les grandes parties, on les utilise plutôt pour des thèses que pour des mémoires. Mm-hmm. Dans le mémoire, on va plutôt y aller par chapitre. Chapitre 1, contexte d'études et problématiques, par exemple. Chapitre 2, cadre théorique. Chapitre 3, méthodologie. Et après ça, présentation des résultats et discussion, conclusion. Et à l'intérieur, on va faire effectivement des parties ici, 1.1, 1.1, mais le grand partie, on ne va pas nécessairement le faire apparaître. Donc c'est la structure classique. Mais maintenant, au niveau, après ça, de la mise en forme finale, vous pouvez toujours valider avec votre promoteur, selon un peu l'ampleur de vos parties. Ça peut valoir la peine parfois de valider un titre ou de penser à d'autres niveaux de titres. Okay. Et donc, tant qu'il y a une cohérence en fait dans votre présentation, ça peut être pertinent d'un point de vue scientifique. Il vaut mieux avoir plus de sections qui montrent bien en fait ce que vous avez fait que moins et que tout soit un petit peu mélangé au niveau des idées. D'accord ? Donc pensez bien à consulter des exemples. Et l'un des autres éléments majeurs de la rédaction scientifique, c'est justement l'effort d'explicitation et c'est l'effort d'argumentation. Ça, c'est vraiment, enfin, au-delà de la recherche que vous allez mener, des résultats que vous allez présenter, qui sont importants parce qu'ils sont intéressants et qui montrent que vous avez fait le travail entier. Mais on s'attend surtout à ce que vous fassiez l'effort de justifier ce que vous avancez et donc de ne pas être dans un travail d'opinion, mais bien dans un travail de réflexion et de justification scientifique. Donc on s'éloigne, l'opinion que vous aviez au départ, elle doit être étayée, elle doit être nuancée, elle doit être mise au conditionnel si vous avez des idées fortes. Vous êtes dans un contexte de réflexion universitaire. Donc un des premiers trucs dans cette perspective-là, c'est d'éviter les affirmations non justifiées. Par exemple, je vous ai mis ici une phrase, nous avons choisi de travailler sur ce sujet parce qu'il est intéressant. Point. Alors la phrase, elle est correcte grammaticalement, on comprend ce que ça veut dire, sauf que c'est intéressant, oui, mais pourquoi ? Donc, quelles sont les raisons, sur quel plan, par rapport à quoi ? Donc il vous faut justifier en fait cette affirmation qui fait que vous dites que ben, voilà, votre travail il est intéressant. Donc, vous avez toujours intérêt à spécifier, en fait, de quoi vous voulez parler. Ce qui fait que, je vais revenir un petit peu après, mais ces mots comme ceci est pertinent, ceci est cohérent, ceci est intéressant, oui, mais pourquoi ? Donc, ce n'est pas parce que vous défendez une idée avec un mot qui vous semble clair qu'il y a une justification derrière. Vous devez expliquer pourquoi en arrière des mots. Et lorsque vous justifiez vos affirmations, comme dans l'exemple ici, ça vous permet d'être plus précis et ça vous permet de mettre en valeur vos idées, vos réflexions. Donc, par exemple, ici, j'ai repris exactement la même phrase. Nous avons choisi de travailler sur ce sujet parce qu'il nous semblait intéressant à plusieurs égards. Et là, on va détailler. Donc, sur un plan, par exemple, théorique, il permet de questionner le concept XY. Donc, vous annoncez aussi ce que vous allez développer un peu plus tard. Sur un plan social, il permet de s'interroger sur telle thématique, etc., dans le cadre de nos sociétés contemporaines, hyperconnectées, ou tout autre type de sujet ou de problématique que vous aborderiez. Ce qui est important, c'est que ce que vous devez mettre en valeur, c'est pas cette phrase qui est au début, là, nous avons choisi de travailler sur ce sujet parce qu'il est intéressant, elle peut se trouver dans n'importe quelle mémoire sur n'importe quel sujet. La phrase qui suit ici, elle va être spécifique à un sujet donné, qui doit donc en fait montrer que vous avez réfléchi aux aspects caractéristiques de votre sujet, donc au-delà de simples généralités. Dans l'idée aussi d'argumenter, de justifier vos propos, pensez sur le plan de la forme à utiliser des connecteurs logiques. Donc les cependant, mais, toutefois, néanmoins, or, parce que, etc. Pensez à les utiliser parce que ça montre la progression de vos idées, ça montre que vous allez faire du thèse, antithèse, synthèse, etc. Mais pensez aussi à varier ces connecteurs logiques. Souvent, en fait, quand on rentre en phase de rédaction pour des textes un peu longs, il y a des tics d'écriture qui s'installent et on a tendance à tomber en amour quasiment avec certains mots plutôt que d'autres, qui deviennent des mots pivots, des mots d'appui et qui font que toutes les 3-4 pages ou toutes les 3-4 paragraphes et parfois après ça toutes les 3-4 phrases, on va avoir un néanmoins, mais ou un et qui commence une phrase. Et ça devient un peu le leitmotiv ou le refrain de notre texte. Or, dans la rédaction scientifique, c'est pas que c'est faux grammaticalement, mais le problème c'est que ça ne montre plus réellement de façon précise ce que vous allez penser. Et le désavantage aussi, c'est que ça divertit l'attention du lecteur de votre idée. Donc vous avez tout intérêt aussi à y choisir des mots précis, à varier votre vocabulaire, pour toujours dans cette idée de mettre en valeur vos idées et de guider le lecteur de façon précise. Donc dans la même idée, on essaye d'éviter de répéter donc des mots trop souvent ou d'utiliser plusieurs déclinaisons d'un même mot dans un même paragraphe ou une même page. Le mot intéressant, en fait, c'est pas ma bête noire, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise souvent parce que c'est facile et que c'est quand même un mot de niveau relativement soutenu, qui se comprend bien. Mais c'est vraiment un mot valise en fait dans la rédaction scientifique, surtout au départ quand on commence. Et donc on a tendance à le voir beaucoup dans l'écriture et souvent vidé de son sens. Et par exemple, on va trouver des variantes, comme là je vous ai fait une compilation de synthèse, mais dans cette phrase, nous nous sommes intéressés à cet auteur, qui parce qu'il offre des points de vue intéressants pour nous. En effet, ces idées montrent l'intérêt d'étudier la problématique que nous avons soulevée, blablabla. Donc ici, on n'a pas exactement le même mot répété, mais par contre, on a une même déclinaison de mots. Or, là encore, on s'éloigne en fait de l'idée de précision de rédaction scientifique et quelque part, on rate une occasion de maintenir l'attention du lecteur. Donc, essayez de faire attention à ces petits tics de rédaction qui vont parasiter en fait votre texte. Donc, on essaye d'argumenter, de justifier, d'être précis dans la façon dont on va écrire. Et on essaye d'être clair. Donc, ça veut dire, enfin, je vais le dire tout de suite, mais je vais y revenir après, qu'on essaye d'écrire court. L'objectif, c'est pas d'avoir l'air scientifique en écrivant des phrases compliquées avec des mots compliqués de plus de 3 syllabes systématiquement et des adverbes à tour de bras et des conjonctions, etc. Mieux vaut écrire des phrases courtes, sujet, verbe ou complément, et passer ensuite à une autre idée. Donc, ce qui veut dire aussi que vous faites un travail de distinction des idées, plutôt que de faire des phrases très longues qui vont amener le lecteur à relire 2, 3, 4 fois la phrase pour être certain de comprendre exactement ce qui est important dans votre phrase, qui est secondaire, etc. Donc, ça je vais y revenir après, mais ce qui veut dire aussi que sur le plan de la précision de la clarté, on essaye de supprimer les expressions populaires qui sont en fait... Enfin, qui n'apportent pas d'informations, qui sont des expressions un peu toutes faites, qu'on va trouver parfois dans certains articles médiatiques ou qu'on va utiliser dans des débats d'opinion, mais qui sont de l'ordre de l'opinion. Donc toutes les expressions comme « depuis toujours »,« au jour d'aujourd'hui »,« depuis la nuit des temps » ou « depuis fort longtemps », pour introduire le fait que la thématique qui vous intéresse, elle est vraiment importante. Important, c'est un peu comme intéressant d'ailleurs, c'est souvent dit c'est très important, mais pourquoi et par rapport à quoi exactement. Donc mieux vaut, ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise en fait, vous avez en tête, mais mieux vaut passer par quelque chose de plus précis. Donc au lieu de dire depuis toujours, mieux vaut dire depuis les années, ici 1980, ou depuis tel siècle, etc. On remarque que, et là à ce moment-là, vous donnez une information. Sinon, ça veut dire qu'à la limite, ce bout de phrase, si vous n'avez pas d'information ou que vous ne savez pas dater ce phénomène, alors il ne sert à rien. Mieux vaut l'enlever et faire en sorte que le lecteur voit vraiment l'information que vous donnez, l'idée que vous devez mettre en valeur. Attention utiliser et qui vont rendre le discours vague, c'est-à-dire qui vont faire en sorte que on va pas être certain de l'élément auquel vous faites référence. Par exemple, vous avez l'usage de certains, ou de plusieurs, ou de des, donc cette espèce de pluriel un peu incertain. Donc si vous dites certains auteurs ou plusieurs auteurs ont réfléchi à cette théorie ou abordent cette notion, etc. Alors c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que vous citiez tous les auteurs qui le font, parce que enfin, même ceux qui vous corrigent n'ont jamais tout lu. Mais par contre, dès que vous utilisez le pluriel, donnez un ou deux exemples pour montrer d'où vient ce plusieurs. Et que donc, si dans vos lectures, vous avez remarqué que ben, c'est un sujet qui semble intéresser pas mal de chercheurs, ou qui vous semble être quand même pas mal traité, ben, on veut voir que vous avez fait un travail de lecture. Donc, il faut aussi que vous le montriez, en fait. C'est non seulement ça vous permet d'être plus précis, mais ça permet aussi de vous montrer le travail que vous avez fait. C'est pas une idée qui vous est juste passée par la tête comme ça. C'est quelque chose que vous avez observé. Donc là encore, c'est mieux de... Vous pouvez garder le mot « certain », ça ne veut pas dire qu'il faut le bannir, mais ça veut dire qu'il faut le préciser, donc en citant des exemples. Dans la même, toujours dans la même veine, dans la même idée d'être clair, on va aussi éviter ou faire attention au démonstratif. Donc le « ceci »,« ce »,« cette », etc. Surtout en début de phrase. Parce que parfois, quand le référent est très près, il n'y a aucune ambiguïté, mais parfois, dans une lecture d'un texte de 80 pages ou autre, ce n'est pas nécessairement très clair et on peut avoir des confusions. Donc, le terme, par exemple, quand vous commencez en disant « ceci est un exemple de », on va plutôt dire « ce discours » ou « cette réaction » ou « ce phénomène d'interaction, ce problème, etc. est un exemple de ». Au lieu de juste donc le « ceci » ou « cela », on va respécifier ce dont on parle. Parce que ça indique au lecteur qu'il est vraiment... peut être vraiment certain de ce dont vous êtes en train de parler. Donc là encore, l'idée, c'est pas de tout bannir, mais c'est d'être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc d'un côté, on essaye d'être clair et précis, et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans un exercice d'opinion. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des parties de vous, de ce qui vous intéresse, de ce que vous pensez, qui peuvent transparaître dans le mémoire parce que vous allez avoir traité tel aspect plutôt que de façon prioritaire, parce que c'est ce qui vous motive, ce qui vous intéresse le plus. Mais par contre, là encore, vous allez le traiter sous un aspect scientifique. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit juste un texte d'opinion, un opinion un peu gratuite. Donc, l'une des façons de se protéger de ce côté opinion gratuite, c'est d'éviter tout ce qui est généralisation abusive. Ici, vous avez un exemple qui est, bon, dans ce cas-ci, par exemple, un enseignant-chercheur se forme lui-même à l'enseignement, ou de dire les communicateurs aujourd'hui travaillent tous majoritairement avec le numérique ou dans un environnement digital. C'est quelque chose qui vous semble plutôt évident, sauf que dès que vous affirmez quelque chose comme ça, il faut, dans le cadre d'un mémoire universitaire, aller vérifier s'il n'y a pas des auteurs, au moins un auteur, qui appuie ce constat. Ça ne veut pas dire que vous allez lire forcément 10 articles pour chaque phrase que vous écrivez, mais qu'à partir du moment où vous affirmez un état de fait, une situation, il faut essayer de le documenter. Donc là encore, je parle bien de la rédaction du mémoire et non pas de ce que vous avez rendu, de ce que vous rendez pour le TPM. C'est vraiment des conseils à plus long terme sur le type de texte qu'on attend de votre part, notamment pour les mois qui vont venir et pour l'an prochain. Donc c'est toujours préférable de spécifier d'après tel auteur et tel auteur, les enseignants se forment, etc. Une autre façon de faire, c'est que pour éviter de généraliser de façon un petit peu de façon abusive, donc d'affirmer quelque chose que vous n'êtes pas en état de prouver en fait, c'est de mettre le conditionnel. Donc, d'après nous, ou cela nous mène à penser que tel acteur social pourrait être influencé par X ou Y. Donc le conditionnel vous permet aussi d'introduire une nuance de montrer que vous êtes conscient que vous êtes dans un cadre scientifique dans votre texte et que donc vous ne vous permettez pas de faire des affirmations que vous n'allez pas vérifier ou qui ne sont peut-être pas vérifiables. Oui. Auteur ou enquête. Oui, ou d'après telle recherche ou d'après telle étude. Ce qui compte, c'est d'essayer de voir si ce que vous voulez affirmer, ça a déjà été montré, c'est étayé ou pas. Si ça l'est, alors vous citez la source. Si ça ne l'est pas, au moins utilisez le conditionnel. Plutôt que de dire « depuis la nuit des temps, tel type les hommes ont besoin de X ou Y, ou je ne sais pourquoi. » On essaye d'être plus précis que ce niveau un peu trop général. Je vous parlais dans la diapo d'avant d'essayer de spécifier l'utilisation des adjectifs démonstratifs, et cela, ceci, cet, etc. On va toujours essayer de spécifier de quoi on parle, mais aussi de spécifier qui parle. Ça, vous avez déjà commencé à le faire en identifiant, par exemple, quand vous allez chercher une citation, une idée, qui venait d'un article que vous avez lu, d'un ouvrage que vous avez lu, ben, vous saviez que c'était l'idée de tel auteur, etc. Donc, vous avez commencé à citer l'auteur en question, entre parenthèses, ou à mettre des guillemets, à mettre une note de bas de page, etc. Donc, à identifier d'où vient l'idée. De la même façon, il y a, dans votre mémoire, des moments où vous allez donner vos idées à vous. Parce que ce que vous avez lu vous amène à penser à quelque chose, à avoir une hypothèse, etc. Donc, c'est important de faire la distinction entre justement ce qui est de votre ressort, donc nous pensons que cela nous amène à envisager que, etc., etc., et ce qui est de l'ordre de ce que des auteurs ont affirmé ou montré. Donc, au lieu de dire « on peut dire que » ou « il est prouvé que », on va toujours dire « tel auteur a montré que » ou « plusieurs auteurs ont montré que », entre parenthèses, on donne au moins deux noms pour dire qui. Dans l'idée d'expliciter, c'est-à-dire de toujours préciser de quoi on parle, c'est important aussi de définir ce dont vous parlez. Il y a des choses qui vont vous sembler évidentes, mais donc vous n'avez pas à définir chaque mot que vous utilisez. Mais par contre, selon le sujet sur lequel porte votre mémoire, selon les concepts principaux que vous allez utiliser, ça va être important de définir ces concepts et ce sujet. Donc de dire que si vous travaillez sur la motivation, la motivation des lecteurs à acheter tel journal ou à suivre tel magazine plutôt qu'un autre, mais que veut dire le terme motivation dans le mémoire que vous utilisez. Donc c'est important de préciser ces définitions-là, c'est surtout dans le cas théorique que vous allez faire. Donc, et là j'ouvre une parenthèse sur l'expression cas théorique. On a reçu plusieurs questions, puis on va y revenir certainement dans la séance prochaine qui porte sur la préparation à l'examen. C'est quoi la différence entre cas théorique, revue de la littérature, état de l'art. Donc il y a plusieurs expressions comme ça que vous avez rencontrées et je sais que ce ne sont pas toujours très claires. La revue de la littérature ou l'état de l'art, c'est ce qui existe donc comme connaissance, étude, recherche déjà faite sur un certain sujet. Le cas théorique, c'est qu'à partir de ces lectures-là, vous bâtissez une mise en perspective, donc vous bâtissez en fait un cadre, un portrait de ce qui, pour votre sujet, est le plus pertinent, et vous dites pourquoi. Pourquoi je choisis tel auteur plutôt que tel autre. Donc on ne peut pas faire de cas théorique si on n'a pas fait une revue de la littérature, parce qu'on est obligé de lire forcément pour faire un cas théorique. Mais une revue de la littérature n'est pas forcément un cas théorique, ça peut être une simple liste en fait, de lecture qu'on a faite sans nécessairement être très organisé ou justifié. D'accord ? Donc l'idée du cas théorique, c'est quelque chose de plus construit en fait, qui va figurer justement comme un chapitre généralement dans votre mémoire. Fin de la parenthèse. Dans l'idée aussi d'être précis et d'être clair dans votre texte, on essaye d'éviter l'emploi inutile, ça veut dire là aussi que c'est pas banni, mais on essaye d'éviter, lorsque c'est inutile, l'utilisation des conjonctions qui et que, qui peuvent alourdir la phrase et en fait alourdir. Alors c'est pas une erreur de grammaire, mais c'est juste que là encore vous avez 80 ou 90 pages de texte que les lecteurs vont lire. Et les lecteurs, ils vont vous noter sur ce qu'ils comprennent de ce que vous avez fait comme travail et sur ce qui est important, ce que vous avez dégagé en fait d'important, d'intéressant dans votre travail également. Donc vous avez tout intérêt en fait à guider toujours le lecteur, à lui montrer qu'il y a beaucoup de choses intéressantes et donc à ne pas le perdre avec des petits mots qui ne servent à rien et qui ralentissent sa lecture. D'où l'idée qu'on va simplifier en fait l'ordre des phrases. On va nettoyer un peu l'écriture pour faire en sorte que ce soit plus agréable à lire, mais parce que ça va être plus efficace, en fait. Ça va mieux montrer vos idées. Et donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, on privilégie les phrases courtes. Donc, on part de la base, vraiment de base sujet, verbe, complément. Et au lieu de rajouter justement qui sont, tatata, que nous avons, etc., on va faire plusieurs, on va essayer plutôt de faire plusieurs phrases, donc de découper nos idées. D'une part, quand on est dans un texte long, faire des phrases courtes, ça évite des fautes. Parce que même si vous êtes à l'aise en orthographe, grammaire, syntaxe, etc., plus on écrit, plus des coquilles peuvent se glisser, plus on a aussi des effets d'association entre les mots qui vont faire qu'on va faire un mauvais accord parce qu'on est contaminé par la phrase précédente qui contenait un pluriel et là on a changé de phrase en étant du singulier, etc. Donc plus on fait court, plus c'est facile de maîtriser ça. Et aussi, de la même façon, les phrases courtes, ça facilite la lecture et donc ça va être davantage apprécié par les personnes qui vont corriger vos textes. Donc ça c'est vraiment un conseil de base que vous avez à garder en tête pour la suite. J'ai mis ici une référence, enfin les diapos bien sûr vont être en ligne dans l'UV sur ma séance d'aujourd'hui, et je vous ai mis une référence ici en haut de page qui est en fait un blog consacré justement à la rédaction scientifique dans lequel vous retrouvez ces conseils de base que je vous ai donnés et aussi d'autres petits conseils qui peuvent vous être utiles. Donc également selon votre... Enfin, quel que soit votre niveau en fait, de maîtrise du français, c'est jamais inutile de se faire relire avant de déposer en mémoire par quelqu'un d'extérieur qui n'est pas vraiment familier avec votre sujet et qui donc peut-être, en fait, par rapport à vous, qui êtes plongé dans les mêmes mots depuis un moment, dans le même univers lexical, cette personne-là va avoir un regard plus neuf et va vraiment faire juste attention aux fautes d'orthographe, etc. Alors que vous... Ben, même si vous n'avez pas volontairement faire des fautes et même si vous savez les identifier, c'est les idées qu'on vous demande au bout d'un moment de travailler le plus. Donc c'est moins facile et évident pour vous. Donc n'hésitez pas à vous faire relire. Et quand on se fait relire, on essaie de se faire relire par quelqu'un qui est à l'aise avec le français, même si c'est quelqu'un très gentil qui veut vous aider. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit quand même un minimum calé pour ne pas vous rajouter des fautes. Parce que malheureusement, on le voit où des gens se font relire par des amis ou de la famille très bien intentionnés, mais qui en fait leur ont rajouté des accords à dire gros, il n'y en avait pas, et c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, mais vraiment, pensez aussi à cette étape-là de garder un peu de temps à la fin pour un petit peu relire la forme et vous éviter en fait de perdre des petits points ou de gâcher un peu l'appréciation du lecteur juste pour des questions de forme qui ne sont pas du tout révélateurs des efforts que vous avez faits. Je l'ai un petit peu évoqué, mais ce soir c'est aussi la dernière séance en fait, de contenu de cours que nous avons, puisque la séance de la semaine prochaine est consacrée à la préparation à l'examen. Donc dans ce cadre-là, on vous recommande fortement de relire vos notes de cours, de au moins repasser un peu les thématiques qu'on a abordées pour chaque séance pour identifier peut-être des choses qui vous semblent moins claires, les éléments sur lesquels vous voudriez avoir davantage de précision, afin de permettre en fait que, ben, tant qu'à être réunis collectivement la semaine prochaine, tout le monde bénéficie des réponses en même temps et qu'on fasse vraiment un point le plus utile possible. Donc la séance, elle a lieu, elle a bien lieu mercredi, le 3 mai, de 18h à 20h. Et la salle est affichée sur Géol. Mais on va envoyer un message en privé pour confirmer ça à tout le monde. Oui, du coup, ce sera le dernier cours, en fait. En fait, oui. Aujourd'hui, c'est le dernier cours magistral. Et la semaine prochaine, c'est dernière séance. Enfin, samedi, vous avez les ateliers sur l'analyse de contenu. Et mercredi prochain, c'est dernier cours. Okay. D'accord. Donc, on va prendre la pause maintenant. Et Marc va intervenir dans la deuxième partie pour vous parler davantage de communication scientifique, vous expliquer comment ça fonctionne.